Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah l'unique. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. Nous continuons, Inch'Allah, avec les notions indispensables pour chaque musulman. La dernière partie, la sixième partie, dans laquelle nous allons parler des piliers de l'islam ainsi que des péchés capitaux. Donc les piliers de l'islam, ils sont au nombre de cinq. Le premier pilier, il faut attester que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Deuxième pilier, accomplir la prière. Troisième pilier, s'acquitter de la zakat. Quatrième, jeûner le mois de Ramadan. Cinquième, accomplir le pèlerinage à la Mecque pour qui on a les moyens physiques et matériels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il a été rapporté de manière authentique par Abu Abdurrahman Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur cinq: l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Et l'expression, l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, désigne la croyance en Allah, c'est-à-dire la croyance avec conviction en Allah et en son messager. Et on trouve, selon la version de Muslim, l'islam est bâti sur cinq piliers. Le premier pilier, unifier Allah, dans la version de Muslim. Et dans une autre version, unifier Allah et renier toute autre divinité que lui. En ce qui concerne l'accomplissement de la prière, eh bien, il y a un hadith rapporté par l'imam muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'individu d'une part et la mécréance et le polythéisme d'autre part, il y a le délaissement de la prière. Et dans le hadith de Mouaz, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la chose la plus importante est l'islam et son axe principal est la prière. Ce hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qui a dit que ce hadith était bon. Et Abdallah ibn Shaqiq a dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient le délaissement d'aucun acte comme étant de la mécréance, sauf la prière. L'acquittement de la zakat, donc, qui est le troisième pilier de l'islam, Allah a dit, et accomplissez la prière et acquittez la zakat. Il a dit aussi, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Le quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan. La preuve est dans le livre d'Allah qui a dit, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et le cinquième et dernier pilier est le pèlerinage à la Mecque. Allah a dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Donc ça, c'est des piliers de l'islam. Et maintenant, on va voir de l'autre côté des péchés. Il y a beaucoup de péchés, mais on va citer uniquement les péchés capitaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme a dit Abu Huraira radiallahu anhu, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans la religion de l'islam, il y a sept péchés capitaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préservez-vous des sept péchés capitaux. Les compagnons ont demandé: quels sont-ils, ô messager d'Allah? Et il a répondu: le shirk, la sorcellerie, tuer une personne dont la vie est sacrée, sauf lorsque cela est religieusement justifié, consommer les biens issus de l'intérêt, consommer les biens de l'orphelin, fuir durant une bataille, calomnier les croyantes chastes et innocentes. Bien sûr, il y a plein d'autres péchés. Qu'Allah nous guide et nous en préserve et nous pardonne. Et le musulman, il doit faire tout son possible avec l'aide d'Allah à éviter tous ces péchés-là. Et s'ils seront coupables d'un seul de ces péchés, il doit le délaisser, il doit regretter son acte et avoir la ferme intention de ne plus jamais commettre ce péché, ni d'autres péchés. Et le musulman, il se doit aussi d'interdire à ceux qui sont sous son autorité de commettre de tels péchés. Et il doit mettre en garde ses frères musulmans contre le fait d'y sombrer et doit montrer les dangers de tels péchés pour la religion. Ça entre dans l'injonction du bien et l'interdiction du mal et l'invitation à la religion d'Allah. Allah a dit: voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Sourate Yusuf, verset 108. Donc, nous avons terminé avec les notions indispensables pour chaque musulman en 6 parties. Et je demande à Allah de nous guider, de pardonner nos péchés, de nous préserver du châtiment de la tombe, de l'enfer et de nous faire entrer au paradis. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.